Les redifs de l'été sur Padjet. Couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2 et sur Fadjet.net pour votre demi-heure bonne humeur avec des artistes locaux de la région. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la petite voix que vous avez entendue juste avant. Que vous nous écoutiez samedi à 13h ou dimanche à midi, je vous souhaite un bon appétit, votre estomac est contenté, votre palais adore ce qu'il est en train de manger. Et nous, on va vous accompagner en gourmandise. Et vous le savez, si vous m'écoutez, Pierre au micro, tous les week-ends depuis maintenant 3 ans, vous connaissez la chanson « Nous allons nourrir non pas votre ventre, mais nous allons nourrir votre âme, votre esprit, votre cœur ». Il y aura des rires, il y aura peut-être des pleurs, je ne l'espère pas, mais il y aura surtout de la musique avec un groupe qui ne me facilite pas vraiment la tâche puisqu'ils ont un nom qui joue sur, je crois que c'est des allitérations, des assonances, il y a des répétitions de lettres, voilà, on est lettré sur Fadjet, dans Couleur locale, nous sommes avec Balek, Bolox et Botox. J'espère que je l'ai dit dans le bon sens. C'est ça, parfait. C'est très simple. Parfait, Pierre. Ça. Bonjour, voilà, Pierre, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, trois, Pierre. Trois belles personnes. Alors, on va utiliser leur surnom parce qu'ils n'ont pas envie de sortir après de cette émission et de se retrouver avec des tonnes de fans qui vont aller les embêter. Je les comprends, ils sont beaux. Il faudra peut-être une photo, vous verrez. C'est très malaisant. Balek, Bolox et Botox. Dis-moi comment tu te définis sur tes réseaux sociaux et je te dirai qui tu es. Alors, eh bien, je vais lire ce qui est marqué, je crois, sur le Facebook. Et c'est très sobre. De la zik et de la bonne rigole en acoustique, guitare, basse, banjo, harmonica. Voilà, c'est tout simple. Ah bah c'est parfait. C'est exactement ça. En fait, on avait été très fort quand on avait mis ça, je pense. Qui avait écrit ça? C'était le fruit d'un groupe de travail, une réflexion qui a été menée durant plusieurs heures, je crois. Ah oui. Et donc, l'objectif de cette réunion, c'était d'optimiser en même temps les réunions. Bien sûr. Donc, et à la fin, on est arrivé sur cette conclusion, cette présentation qui est absolument incroyable. Je veux dire, les plus grands groupes se sont inspirés de ce qu'on a écrit. Je pense, effectivement. Et c'est Balek qui vous parle. Voilà. C'est pour vous dire l'ironie de la présentation. On vous retrouve évidemment sur Facebook, mais je crois que sur Facebook c'est juste Balek et Bolox. Oui, historiquement, alors je sais pas si on peut faire le côté un petit peu historique de notre groupe. Vas-y. Historiquement, nous n'étions que deux, donc Balek et Bolox, c'est parti d'une, on va dire, d'une soirée un peu animée. Oui. Dans un pari un peu stupide proposé par Bolox, parce que Bolox propose de temps en temps des choses paris, un peu stupides. Voilà. Bolox se tourne vers moi et me dit ce serait quand même bien qu'on fasse la fête de la musique l'année prochaine. On était en juin 2019. Et moi, dans l'élan, bien sûr, je me dis, mais oui, bien sûr, c'est une évidence. Ça coulait de source, en fait. Et donc, nous voilà au mois de septembre, ensuite, à prendre nos guitares et à essayer de reprendre quelques morceaux. Et puis, tout bêtement, on s'est pris au jeu et puis on a continué nos affaires. Sauf qu'il s'est produit un petit événement qui était toute la partie Covid, etc. Je vais pas revenir là-dessus, c'était très long et c'était très embêtant. On le sait tous. Voilà. Et donc on n'a pas pu faire des fêtes de la musique, mais on a continué à jouer et on a commencé à diffuser notamment nos vidéos sur Facebook pour un petit peu se faire plaisir et puis se faire connaître. Mmh. Et puis au bout de quelques temps... j'ai un ami qui a des doigts énormes. vous allez comprendre pourquoi je parle de doigts énormes. Ce qui me dit ah, c'est chouette ce que vous faites. Moi, j'essaye à la guitare, mais j'y arrive pas. Et puis là, j'ai mis un petit peu en évidence son problème de doigts énormes qui ressemblent à des saucisses de Toulouse. Le pauvre. Et je lui ai dit, écoute, la guitare, il va falloir laisser tomber, mais par contre, si tu veux, tu peux te mettre à la basse. Et là, cet ami-là, c'était l'ami Botox. Et du coup, il a eu un éclair de génie. Il a agréé sur la proposition que je lui avais faite. Et puis, il s'est mis à la basse. Et du coup, il nous a rejoint. Et il nous a rejoint 2 ans après. C'est ça, 2 ans après? Ou 1 an et demi après? Ouais, un an et demi après. Et du coup, maintenant, voilà, on a un nom à rallonge qui, au départ, n'était pas prévu comme ça. Mais voilà, c'est... Oh, est-ce qu'on peut dire que tu as des doigts botoxés? Pierre, elle est subtile celle-là, attention. Je sais qu'on ne doit pas dire de marque, mais d'habitude on fait un lien avec une marque que je ne citerai pas. Mais non, l'image est pas mal. L'image est pas mal. Et je dirais un peu qu'en fait, il n'avait pas vraiment besoin de moi, surtout que moi, je n'étais pas du tout musicien à la base. D'accord. Donc il y a Julien Bollocks, qui est très très bon musicien en fait, qui m'a coaché sur le coup et qui m'a beaucoup aidé. Et je dirais que je suis un peu comme une prothèse en fait. Il n'avait pas vraiment besoin de moi, mais avec moi en fait, on va un peu plus loin quoi. Je suis un peu comme une prothèse. Pas mal. Mais il a bien appris déjà... et maintenant il est. C'est déjà la phrase. Il nous accompagne tout à fait. De façon efficace. Par contre, je voudrais juste préciser, Pierre, que pour l'ami Botox, il y a un arrêté préfectoral qui est sorti et qui lui interdit totalement de chanter. Il a le droit de faire de la basse, mais il n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche. C'est par rapport aux nuisances. C'est tout à fait. Le préfet a statué, il a dit non, ça va pas être possible. Je crois l'avoir vu dans les journaux. Très belle dynamique, en tout cas, une dynamique qui s'étend quand même, qui va très très loin, puisque vous reprenez énormément de monde et surtout du monde qui, parfois, ne se ressemble pas vraiment. Ah bon ouais. On a du Motorhead, du Johnny Cash, Depeche Mode, Dirty Old Town des Pogs, les Dropkick Murphys. Quand même un côté qui n'est pas sans me déplaire, pour ceux qui me connaissent, irlandais dans certaines choses. Mm-hmm. Un peu Irish Bluegrass, très, très appréciable. Voilà. Merci Pierre, ça nous fait rougir. Je vois que vous rougissez bien. Alors on sait que Botox est à la basse. Maintenant, que font les autres? Aïe. Eh ben, alors moi, Botox, je suis à la guitare. À la guitare. Et au chant. Mm. Tu es le chanteur. Au drôlin de pied. Drôlin de pied. Pour ceux qui ne connaissent pas cet instrument, le drôlin de pied, c'est un drôlin de pied. Voilà. Tu peux peut-être être plus précis en disant que c'est un tambourin. Pas un tambourin. C'est un tambourin de pied. Un tambourin de pied. Donc en gros, c'est une percu et... de pied. Parce que quand on a la guitare et les deux mains prises, c'est compliqué de faire des percus. C'est un peu chiant. Voilà. Et donc du coup, j'imagine que toi, notre ami Balek, tu es l'harmoniciste du groupe. Alors Balek, il fait Balek beaucoup trop. Balek part de lui à la troisième personne, un peu comme Alain Delon, parce que Balek, il a quand même un melon un peu démesuré. Une citrouille, ouais. Voilà. Donc moi, je fais du chant, je fais de la guitare, je fais du banjo et je fais de l'harmonica. Alors pas tout en même temps, parce que ça c'est un petit peu compliqué. Mais effectivement, un peu de polyvalence, on va dire. Multi-instrumentiste. Multi-instrumentiste. Très impressionnant. Bon. J'ose le dire. C'est très très bien de se jeter des fleurs, chers auditeurs. Vous écoutez Couleur Locale sur Fadjet à Nancy au 94.2 et sur Fadjet.net. Si jamais vous avez déjà raté le début de l'émission et que vous vous dites « Oh là là, j'ai pas tout compris, je comprends pas », eh bien il y aura un podcast sur le site de Fadjet et sur une nouvelle plateforme que j'ai choisie qui s'appelle Anchor, puisque maintenant Mixcloud nous charge de 11 euros par mois pour continuer à mettre les podcasts dessus. Alors voilà, si vous êtes dans Mixcloud et que vous m'écoutez, merci. C'est pas sympa. Pas sympa du tout. Vraiment, c'est pas sympa. Nous sommes avec Balek, Bollox et Botox. Et je pense que je me tromperai à un moment quand même dans l'émission. Pour l'instant, ça va. Trio, guitare, basse, banjo, harmonica, chant, ça va. De Motorhead, à Johnny Cash, au Pogs, au Dropkick Murphys et d'autres. Moi, j'ai vraiment envie de savoir pourquoi ce choix. Mais avant de continuer cette interview, de comprendre qu'est-ce qui a motivé cet univers musical riche, je vous propose, chers auditeurs, d'écouter quand même un premier morceau, puisque parfois la musique... eh bien, vaut mieux que 1000 mots. Et souvent, elle est même accompagnée de 1000 mots, donc c'est quand même génial. Alors, on va écouter un premier titre qui s'intitule Art of Cold de Neil Young, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'est ça. Pourquoi ce choix ? Eh bien, parce que déjà, il y a de l'harmonica, on aime bien. Mm-hmm. Ah, Neil Young, c'est quand même base, une référence. Ouais. Et alors, en sachant qu'on a, on l'a adapté à notre sauce en faisant la reprise qu'a fait Johnny Cash en faisant une reprise de Neil Young. D'accord. Donc nous, on l'a réadapté à notre sauce. On a mixé les deux. Et puis, ça donne ce que vous aurez le plaisir d'entendre tout à l'heure. Eh bien, on va écouter ça tout de suite. C'est Balek, Bollox et Botox. C'est Art of Gold, un réarrangement d'une reprise. J'adore. On va pouvoir comprendre pourquoi. Sur Fadjet, en couleur locale, restez avec nous. Les redifs de l'été sur Fadjet. Balek, Bollox et Botox sur Fadjet dans Couleur Locale. C'est pour vous, chers auditeurs, ce week-end. Les fêtes approchent. On vient d'écouter un titre qui s'intitule Heart of Gold, qu'ils ont réarrangé d'une reprise de Nin Yang qui a été faite par Johnny Cash. C'est ça. Voilà, c'est un réarrangement de reprise. Les fêtes approchent. Alors déjà, joyeux Noël. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça fait toujours plaisir de dire de belles choses quand même en antenne. On aura l'occasion d'écouter une autre des reprises, des réarrangements que vous avez fait. L'occasion pour moi, avant d'écouter cette musique, de vous poser cette question un peu sur le côté reprise réarrangement, parce que dans mon propre groupe de musique, il y a des fois des gens qui m'ont dit « Non, mais ce que vous faites, c'est de la reprise. » Et moi, ça m'énerve. Ah. Moi, je trouve ça énervant, le terme reprise, quand en fait, tu fais des réarrangements. C'est pas la même chose. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis peut-être susceptible. Il faut se montrer humble, je pense, par rapport à la reprise, parce que c'est un terme général qui permet d'expliquer C'est pas méchant. Mais effectivement, le fait... Il y a un mot anglais qui convient peut-être un peu mieux, c'est le mot « cover ». Cover, ouais, je pense. C'est peut-être la même chose, mais c'est en fait. Peut-être, je sais pas du tout. Ouais, l'idée, c'est de mettre son petit grain dans le truc, de réarranger, comme tu dis, c'est le terme qui est intéressant. Et d'avoir une base d'un morceau qu'on aime bien, et puis de trouver une façon de le jouer un peu. Trouver une façon de le jouer un peu sympa, quoi. Surtout quand on reprend des choses sur lesquelles nous, on n'a pas tous les instruments. Ouais, en plus, voilà. Et qu'on n'a pas le niveau technique. Et qu'il n'y a pas le niveau. Ah ben. Ça peut arriver, effectivement. Après, il faut éviter de reprendre du coup des trucs un peu trop. Non, mais on fait en sorte de reprendre des choses assez simplistes. Voilà. Ouais. Quatre accords. Quatre accords, merci. Ouais. Quatre accords, montée-descente à la guitare. Et puis voilà. Ouais. Là, on y arrive bien. Et là, on y arrive bien. Un son brut et authentique, unplugged, sans trucage. C'est aussi ce qui est marqué sur votre espace Linka Band. Très, très bien. D'avoir un Inca Band, en tout cas pour avoir des concerts, c'est quand même pas mal. On aura l'occasion d'ailleurs de parler concert un peu plus tard dans cette émission. Je l'avais dit, on va de Motorhead à Johnny Cash, au Pogues, Depeche Mode. Tout ça, c'est un univers que vous partagez en commun, où chacun a un peu ses petites particularités. Je sais pas, par exemple, Botox, toi qui es le dernier à être arrivé. Ah non, c'est clairement un univers qu'on partage tous ensemble. Quand on choisit des titres, généralement on a bu. Et on se propose des fois des choses qui sont injouables. Mais la plupart des titres qu'on fait, bon, il y a quand même beaucoup de titres qui ont été faits au départ avec Balek et Bollox. Mais je les partage complètement. Et tous les titres qu'on a refaits depuis, en fait, c'est des titres qu'on partage ensemble, qu'on essaie de jouer ensemble, qu'on voit si on arrive, si une osmose en fait entre nous. Après, c'est vraiment un univers dans lequel on vit tous les trois, sur lequel on se sent bien, en fait. On rappelle évidemment que l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, mais oui, je vois un peu l'idée. Mais c'est quand même un univers assez large. Balek, toi, qu'est-ce qui t'inspire le plus là-dedans ? Alors Pierre, je voudrais juste faire une petite parenthèse en disant qu'on s'est fixé un challenge incroyable où on doit placer un mot improbable durant cette interview. D'accord. Et en fait, je voudrais dire brocoli. Non, ça c'est interdit. Voilà, c'est fait. Tu aurais pu le faire d'une meilleure façon. Non, je trouve que c'est très très drôle. Personnellement, je me fais beaucoup rire. Donc, on peut reposer la c'est question. Comme si c'était pour dire cet univers dont on s'inspire. Ouais, qu'est-ce qui t'inspire le plus là-dedans ? Je sais pas, entre Motorhead ou les Pogues. Eh ben, justement, j'ai envie de dire qu'une de nos forces entre guillemets, c'est que bon, on est à peu près de la même génération tous les trois, et que du coup on se fait plaisir avec un univers assez éclectique qui va effectivement du folk irlandais jusqu'à des choses un peu plus pas du métal, mais un peu plus rock, quoi, un petit peu rock et des choses comme ça, tout en restant toujours sur notre registre électroacoustique, voire du local même. Voire du local avec des groupes comme Les Amis de ta femme, on a oublié de les citer, qui sont quand même une petite référence des années, on va dire des années 2000, mais qui je me souviens sont... encore. Tout à fait. Donc voilà, ce qui est sympa, c'est que globalement il y a pas de grande tergiversation sur les musiques qu'on a envie de reprendre, parce que on est à peu près, on évolue à peu près sur les mêmes choses, et donc c'est vachement sympa là, de ce côté-là. Et toi, Bollocks, bien joué, c'est moi. Bah, moi, je suis d'accord, c'est vrai qu'on on a un univers commun, on a des goûts communs, donc ça permet de faire des choses bien, tous ensemble. Voilà. Alors, de musicien à musicien, moi, j'adore le travail de groupe. Hein. Je trouve que, alors, je ne critique pas les artistes solo, mais cette osmose qu'il y a quand on est en groupe, c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour moi. J'ai envie de savoir un peu comment vous... imaginons demain, je vous dis, tiens, j'ai envie que vous repreniez... je sais pas, un Renault, qu'est-ce que je pourrais citer, Le Marchand de Cailloux par exemple, ouais. Qui est quand même un Renault déjà assez costaud. Qu'est-ce qui se passerait? Par quoi on commence? Ah, par quoi on commence? Déjà, ouais. On commence par savoir si on aime la chanson. C'est capital. C'est un début de réponse. Ouais, il y a déjà un amour de la chanson. Voilà, c'est déjà si la chanson nous plaît pas, enfin nous plaît pas ou nous plaît moins ou. Ouais. On n'en discute même pas. Ouais. Mm-hmm. Déjà, Renault, on en fait deux de Renault. Ouais, on reprend deux. On reprend. Les Béton et la balade nord-irlandaise. Mm. Très bien. Voilà, donc déjà, Renault, c'est effectivement un répertoire qu'on aime bien déjà. Mais le Renault dans le temps, pas le Renault de maintenant. Parce qu'il s'est passé un truc, je sais pas, mais Renault, il est quand même bien détérioré. Le temps est passé. Ah, le temps est passé. Ouais. L'alcool aussi, hein, on en parlait tout à l'heure. Toujours dangereux. L'alcool fait des ravages. Ouais. Ouais. Alors du coup, vous reprenez un morceau de Renault, qu'est-ce qui se passe? Le relevé, qui va commencer à chauffer? Alors, je pense qu'on travaille déjà tous de notre côté, ouais. sur le coup, chacun avec nos instruments, donc Balek, la voix, etc. Et en fait, une fois qu'on réussit à tenir à peu près notre ligne chacun, on met ensemble et on essaie de le fusionner ensemble. En fait. Et on voit si ça colle bien, si ça marche bien, si on se sent bien pour la jouer. Et voilà, généralement, ça part, quoi. Ouais. Et il y a des morceaux où on se dit bah oui ça va marcher, et puis au final on se rend compte qu'à force de les faire on les sortira pas ni en vidéo ni en concert, parce que on sait pas pourquoi il y a un petit déclic qui manque et ça on n'arrive pas à aboutir. Il manque quelque chose. Et par contre, il y en a où ça coule de source. C'est toujours assez curieux. On parlait tout à l'heure, Pierre, de magie, de jouer ensemble, etc. Il suffit qu'il y en ait un des trois qui se sente pas à l'aise. Et puis du coup, ce morceau-là, il va tomber dans les oubliettes parce que c'est pas passé. Quoi. Donc, et puis, à contrario, il peut très bien devenir un élément phare de notre playlist. Donc, c'est toujours très bizarre. Hein, ces aspects-là. Oui, donc, c'est au feeling, en fait. Il y a beaucoup de feeling. Il n'y a pas d'explication technique. Ouais. Alors, en parlant de playlist, on va parler concert, parce que votre feeling, vous l'avez entre vous, hein, comme tous les groupes de musique, mais ce feeling-là, et vous êtes d'accord avec moi, on adore le partager avec un auditoire, une audience, un public. Ouais. On parle d'une playlist de combien de morceaux? Je suis très intrigué, j'ai l'impression que vous pouvez en jouer beaucoup, je me dis. On en a, je pense, une bonne vingtaine. Ouais, un peu plus. En fait, avec ceux qu'on a de côté... On en a abandonné quelques-uns. On va dire qu'on se fixe déjà 20 morceaux minimum à jouer en live. Et on a certainement un répertoire un peu plus gros, mais... On a presque la trentaine, je pense. On va dire qu'on... Ouais, 20 déjà se faire 20 chansons à un concert, c'est déjà bien. Ouais, c'est pas mal. 20 ça peut faire quoi? Une bonne heure et demie Plutôt 2 heures. 2 heures. En ponctuant des intermèdes dans les chansons avec des idioties qu'on peut raconter. Une petite pause pour boire quelques boissons. C'est qu'il y a des changements d'instruments entre guitare, banjo, etc. Je prenne un peu de temps. Il faut le temps que Bollox enfile son drelin de pied. Voilà, le drelin de pied. Et comme il a un certain âge, il faut qu'il se penche. Généralement, il demande une assistance. Oui, parce que j'ai. Vous avez une assistante, d'ailleurs, je la genre, mais ça peut être un assistant qui arrive sur scène pour t'aider avec ton drelin. On a un assistant, oui. On en cherche d'ailleurs, si des gens écoutent et qui veulent venir nous assister. Des voilà. Assistants de pied. Voilà. Des assistants de relin de pied. Les vrais groupes de rock ont des rodis. Nous, on a des assistants de pied qui peuvent enfiler le drelin de pied à Bollocks. Alors, comment on... Bah, vous parliez de Didiocy que vous pouvez raconter entre les morceaux. Comment on arrive à finalement à passer, je ne sais pas, d'un Johnny Cash à un Pogs, à un Motorhead, et que ça coule de source? Est-ce qu'il y a une animation derrière? Est-ce que... Il y a quelque chose d'écrit ou est-ce que c'est un peu balèque? Ça, c'est une bonne question, Pierre. Il n'y a que de bonnes questions. Oui. Eh ben, en fait, on a essayé de faire une sorte de playlist un peu basée sur le rythme, on va dire. On fait des petits enchaînements qui sont des chansons un peu qui ont le même esprit, le même rythme. Oui. Puis voilà, on fait des petits groupes de 3-4 morceaux avec le même rythme et puis d'autres un peu différents. Puis on alterne comme ça. Et puis on les a traduits au fur et à mesure des concerts qu'on a fait. En fait, on voyait un peu comment le public prenait au titre. Mais on s'est rendu compte que les premières playlists qu'on avait faites n'étaient pas forcément bien adaptées. On perdait un peu le public par moment avec des morceaux qui étaient un peu trop mous. Et du coup, on les a adaptés, on les a recalés par rapport à ça. Ouais, je confirme que le changement d'univers, il se fait vraiment, comme disait Bollocks, il se fait vraiment sur le rythme des chansons. C'est-à-dire qu'on peut passer de Johnny Cash à Motorhead sans problème parce que, enfin, je ne sais plus exactement, mais ça va être basé plutôt sur le rythme qui permet, entre guillemets, une transition facile sans chercher une logique ou une explication au fait qu'on passe de l'un à l'autre. Voilà. C'est plutôt là-dessus que ça repose. Je pose la question parce qu'il y a des groupes qui ont fait un peu leur fond de commerce de reprendre des morceaux de groupes différents et un peu de les lier avec une histoire. Nous, c'est ce qu'on fait avec mien. Donc, c'est une façon comme une autre. Vous vous êtes plus basé sur le rythme. Et puis, on est complètement dépourvu de logique. Et donc, on ne peut pas commencer à élaborer des systèmes de pensée avec des algorithmes. Vous voyez, c'est pas possible. On est complètement incohérent. C'est ça. C'est le groupe. On est les rois de l'incohérence, en fait. Vous écoutez Couleur Locale, on est avec Balek, Bollocks et Botox. Et je n'ai jamais reçu un groupe qui se flagellait autant en radio. C'est magnifique. Comme quoi. Encore, on se retient. Et encore, là, on est calme. Quelle belle humilité. On rappelle que vous êtes, excusez-moi, sur Facebook, sur YouTube. Il y a un Linkaband aussi, pour ceux qui voudraient... Linkaband, c'est génial parce qu'on a plein de demandes pour animer des mariages, mais on ne le fait pas. C'est souvent ça. Et puis des fois, tu as des demandes sur Linkaband du mercredi pour le samedi, où tu réponds et puis on ne te répond plus. Oui, voilà, exactement. Une fois, on nous a demandé d'aller jouer en Mésopotamie. Mésopotamie, c'est un peu loin, on a dit. C'était il y a 3 millions d'années. Hein, c'est ça. je me suis trompé de pays, peut-être. Pas citer d'autres choses que j'ai vues, comme la rue qui est à nous, très très bien. Renaud, voilà, on parlait des amis de ta femme, donc c'est un univers éclectique, acoustique, en douceur, banjo, harmonica, guitare, basse, voilà, en plus, quelqu'un qui s'est mis à la basse exprès pour le projet. Voilà, c'est quand même super intéressant. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur YouTube, je vous invite, chers auditeurs, à aimer la page Facebook et à aller sur YouTube pour voir les vidéos. Merci à vous d'avoir participé à cette émission Couleur Locale sur Fadjet. Merci Pierre, merci de nous avoir reçus. Merci Pierre, c'est très gentil de nous avoir reçus. Eh bien, avec plaisir. On se retrouve, chers auditeurs, dans tous les cas, tous les week-ends, le samedi à 13h, le dimanche à midi, au 94.2 à Nancy et sur Fadjet.net, le podcast de l'émission ce dimanche sur Onshore et sur Fadjet.net. Et on va se laisser quand même avec un dernier titre que vous pouvez retrouver sur YouTube. C'est une reprise. Je vais avoir besoin de vous pour me dire le titre, car je ne vois rien. Folsom Prison Blues, d'accord, de Johnny Cash. De Johnny Cash. Et si on se laissait là-dessus? Quelle voix langoureuse. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Merci à vous et à très bientôt, chers auditeurs, sur Fadjet dans Couleur Locale. Merci. Merci. Merci. Ouais, les redives de l'été sur Fadjet. When I was just a baby, I was Pour participer à cette émission, envoyez vos CD par courrier à Fadjet, 47 rue Charles III, 54000 Nancy, ou en format audio numérique à programmation@fadjet.net.